Toi, c'est plus quoi? C'est... Bonsoir tout le monde. Ce soir, nous recevons un invité un peu spécial. C'est un invité qui a, par lui-même, dans son expérience de vie, si vous voulez, entrer en contact avec une conscience qui diffère un peu de la nôtre, une psychologie aussi. Et sa thèse, c'est Daniel Kem que j'annonce. Veuillez accueillir. Toujours. Ce soir, nous allons parler de la psychologie de la défaite. Oui, les mécanismes de la psychologie de la défaite dans l'homme. C'est C'est ça, un grand Daniel. titre, c'est un grand problème. Bon, on sait qu'au départ que l'homme est naturellement habitué à vivre dans une psychologie de négativisme, une psychologie qui l'amène vers, on dirait presque malgré lui, à la défaite. C'est-à-dire que l'homme est habitué de vivre dans une psychologie. L'homme vit dans une psychologie, c'est pas une habitude parce que l'homme lui-même est une psychologie. L'homme perçoit son extérieur, son entourage à partir de sa psychologie, puis c'est justement en rapport avec cette psychologie-là qui est interne puis qui est déterminée dans chaque individu que l'homme va exprimer la perception qu'il a de l'extérieur. Bon, si on résume plus rapidement, l'homme est une psychologie qui est assez complexe, qui est bâtie à partir de différentes mémoires qui peuvent être génétiques, réincarnatives, puis mémoires aussi qui sont éducatives, c'est-à-dire du vécu même de l'individu à partir de sa naissance, aller jusqu'à l'âge où ce qui justement il va vivre un événement qui va interpréter psychologiquement. La psychologie même de l'homme est faite à partir de choses que l'homme connaît. Alors, si l'homme ne connaît pas quelque chose, l'homme en a automatiquement peur. Puis qu'est-ce que c'est que de se sentir en défaite? C'est simplement aboutir dans un événement qui est situé dans le temps, aboutir à quelque chose qui n'est pas selon les désirs qu'on avait jetés quand on a commencé le projet ou quand on a commencé à vivre cet événement-là. Et puis comme l'homme ne connaît pas, c'est là qu'est l'important, c'est pour ça que l'homme vit à un moment donné des émotions de défaite. Vu que l'homme ne connaît pas l'avenir de cet événement-là au moment où il vit sa défaite, vu que l'homme ne connaît pas non plus tout ce qui entoure son événement personnel lors de sa prise de conscience, on pourrait dire, de sa défaite, mais l'homme a peur. Puis l'homme, toute la réaction même de cette peur-là vécue au moment même où l'événement n'est pas selon le désir de la personne qu'il vit, tout cet événement-là, c'est ce qu'on appelle la défaite. C'est simplement un schéma de peur, de crainte, parce qu'il y a incompréhension du pourquoi que l'événement n'a pas abouti selon les termes, selon les vouloirs même de l'individu. Et puis, évidemment, ben, il y a une espèce de frustration, l'orgueil, l'ego même de l'être va s'en mêler. Et puis, parce que l'être a peur. Normalement, si tu te lances dans un projet, n'importe quel que soit le projet d'aller coloniser une île déserte au fond du monde, par exemple, et puis si à un moment donné, tu ne peux pas le faire, ben, tu peux vivre une situation de défaite. C'est-à-dire que toi, tu vas prendre une réalité. Ton bateau vient de couler. Alors, tu ne peux pas aller sur une île déserte. Ça, c'est une réalité qui, comme telle, n'affecte pas l'homme. Elle affecte peut-être le bateau, en ce sens que le bateau devrait flotter, il est au fond de l'eau. La défaite est-elle illusion ou réalité? Mais une défaite, c'est une perception, c'est toujours déformatrice. Puis tout ce qui est déformé, c'est jamais une réalité. Alors automatiquement, la défaite, ça reste une illusion, ça reste une perception mensongère d'une réalité. C'est ce que j'ai tenté. Mais l'homme la vit réellement, cette Ah, défaite au ça, niveau c'est officiel. émotionnel, c'est ça? C'est que réellement, l'homme peut vivre une illusion. Mais ça n'empêche pas l'illusion d'être illusoire. Notre personnage, lui, son bateau est au fond de l'eau. Et puis, bon, il ne peut pas s'en aller sur une île. Il a mis énormément d'argent dans la construction de son bateau, énormément d'énergie, de rêve dans le projet même que la personne avait décidé d'essayer d'accomplir. Le bateau était au fond de l'eau. Ben, la réalité même, c'est que le bateau est au fond de l'eau. Mais cette réalité-là, n'affecte pas réellement l'individu même. Par contre, la psychologie, et ça, c'est... Qu'entendez-vous parce qu'elle n'affecte pas réellement l'individu même? Si la réalité même de l'individu, c'est-à-dire son corps physique. Excuse-moi. Si la réalité même de l'individu comprend l'émotion, oui. La défaite est rattachée souvent au phénomène de la déception. Oui. Donc, l'individu souffre une condition qui n'est pas égale à ce qu'il voulait, on va dire. Mais c'est évident. C'est pour ça, justement, que l'individu va arriver à un état où il va pouvoir vivre une défaite. Mais la réalité même de tout ça, si on regarde la psychologie, c'est à peu près ce que tu as défini. La psychologie même du cheminement de la défaite dans l'homme. Bon. Mais notre individu, tout le temps, ses émotions ne sont pas altérées. Son physique n'est pas altéré. Son passé, son avenir, son présent, tout ça, si on regarde réellement le passé, présentement, ça ne peut pas être altéré, parce que ça n'existe pas sur le moment présent où l'événement se vit, quand le bateau coule, ça n'empêche pas sa mère de l'avoir enfanté. Le passé ne peut pas être altéré, il n'existe pas dans l'événement présent. Le futur non plus n'existe pas dans le moment présent, ce qui fait que le futur non plus ne peut pas être altéré. C'est quelque chose qui n'a pas existé encore. Mais les conditions créées par sa pensée de son futur... Oui, mais c'est justement là que la personne est atteinte. La personne perçoit son bateau qui coule. À partir de cette perception-là de la réalité, elle va la déformer. Pourquoi? Parce que la personne, premièrement, va faire ressurgir de sa mémoire. Ça, c'est inconsciemment. C'est-à-dire que c'est les désirs qu'elle avait quand elle était enfant ou quand elle était adulte, les désirs, les espérances qu'elle avait quand elle a initié ce projet-là, c'est toujours présent, c'est-à-dire que ça revient de la mémoire. Elle ne les vit pas présentement, elle vit une situation de défaite, mais ça, c'est là. Alors, ce qui arrive, c'est que si la personne compare les désirs qu'elle avait, c'est-à-dire, si la personne compare ce qu'elle aurait voulu qu'il se passe dans l'événement même où elle vit, elle aurait voulu que son bateau flotte. La personne prend des choses qu'elle aurait voulu, les refait surgir au niveau de sa conscience, et puis elle compare ce schéma-là, cette forme-là, qui est quand même illusoire, elle compare cette forme-là, j'aurais voulu que mon bateau flotte, à la réalité qui est que le bateau est au fond de l'eau. Alors, comparant une idée qui est abstraite, une idée qui est émotive, une idée qui vient quand même du corps astral, c'est-à-dire du phénomène astral, comparant cette idée-là à la réalité qui, elle, n'affecte absolument rien, bien, la personne va automatiquement tomber dans un état de douleur. Si la personne ne croit plus être en mesure de pouvoir poursuivre ce projet-là parce que son bateau ou un élément du projet vient d'être altéré ou est disparu, bien, automatiquement, la personne voit tous ses espoirs bloqués, selon elle, par un événement extérieur, et la personne va se sentir justement en défaite. C'est-à-dire que la personne va commencer à vivre un processus là de détérioration psychologique et même physique, un processus de défaite. Bon, d'accord. Mais comment voulez-vous que l'homme qui vit une réalité de chaque jour puisse ne plus vivre au niveau de sa pensée une pensée polaire, c'est-à-dire une pensée comparative? Pour ne pas connaître justement le fameux phénomène de la défaite, ou aussi ce qu'on verra tantôt, le fameux phénomène de la gloire, de la réussite. Oui, c'est évident. Les deux phénomènes, celui du succès ou celui de la défaite, c'est deux phénomènes qui sont intimement liés, qui ont la même source, qui sont générés par la même forme d'énergie. Sauf qu'il y en a un qui va être un peu plus destructeur par rapport à l'homme, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va servir de frein, puis c'est évidemment le phénomène de la défaite. Celui du succès, celui de la gloire, celui de l'entrain, celui de la motivation à persévérer, à continuer, ben c'est quand même une autre, c'est la même forme d'énergie, ça a la même source, la même base, mais c'est quelque chose qui, temporairement, peut aider l'homme à continuer à progresser. Je dis bien temporairement parce qu'il vient un moment dans la vie d'un individu, dans son évolution personnelle, où ces choses-là doivent disparaître. C'est-à-dire que tu ne fonctionnes pas parce que tu es motivé, tu ne fonctionnes pas parce que tu as des désirs. Il vient un moment donné dans l'évolution de l'homme où tu vas fonctionner plus intellectuellement, c'est-à-dire plus intelligemment, et puis tu vas fonctionner en fonction d'un plan qui t'établit et qui est logique. Mais la défaite en tant que telle, au niveau de l'homme dans son action, l'homme qui vit tous les jours, la défaite, pourquoi l'homme doit nécessairement et souvent, on la connaît à la masse mondiale, c'est reconnu, vive le fameux phénomène de la défaite, vive la souffrance qui en résulte. Vivre, même, je dirais même vivre d'une race à l'autre, parce que passer d'une race à l'autre, c'est vivre la défaite de quelque chose, c'est une souffrance. Moi, je pourrais dire qu'il y a beaucoup de conflits que l'être humain a amenés sur la planète Terre avec lui. Puis la majorité de ces conflits-là qui sont incompris, l'homme les a appelés des lois naturelles, des lois d'évolution, qui maintenant régissent l'évolution même de l'homme, selon l'homme. Ils sont cristallisés, en fait. Oui. Alors, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, on crée un conflit. Le conflit, on finit par oublier d'où il vient. De génération en génération, le conflit existe continuellement parce qu'il est légué de par l'éducation, par la mémoire génétique. Alors, il vient à un moment donné où c'est que ce conflit-là, on l'appelle une loi. C'est une loi d'évolution. L'homme est obligé de souffrir, par exemple. Mais l'homme n'est évidemment pas obligé de souffrir. C'est l'homme lui-même qui souffre parce que l'homme accepte de souffrir. L'homme ne comprend pas le mécanisme de la souffrance, le mécanisme de la peur et de la défaite. Puis l'homme accepte ces mécanismes-là comme étant des lois régissant son évolution. Alors, l'homme, vu qu'il ne comprend pas les perturbations même qu'il a faites, puis qu'il les a appelées des lois, puis ce mot-là, loi, c'est un mot qui est formel, qui est dangereux, dont on interdit la destruction du changement. L'homme s'attache à ce mot-là. L'homme va même l'employer pour pouvoir donner des bases à ses philosophies ou à ses religions pour pouvoir encore mieux se contrôler ou mieux contrôler l'homme. Pourrais-tu donner un exemple de loi qui, génétiquement, comme tu dis, on peut être transmis, affecte encore l'homme? Dire du oui, il y en a plusieurs. Si je te dis, ben, on parlait simplement de la souffrance. Tu enfanteras dans la douleur ou tu devras gagner ton pain à la sueur de ton front et patati patata. C'est une réalité. C'est une réalité, oui et non. Parce qu'il y a du monde qui vont enfanter, comme on dit, dans la douleur ou qui vont devoir travailler énormément. Si tu regardes même le texte, où est tiré ces paroles-là, ce sont des paroles de punition. Oui. Bon. Alors, le fait de devoir te sentir puni, de devoir vivre continuellement avec une culpabilité qui est absolument inadéquate dans l'évolution de l'homme, du moins aujourd'hui, il est venu à un moment donné que c'était bon, parce que la culpabilité était les barrières qui empêchaient l'homme, justement, de déborder de choses permises par, non pas par la religion, mais par des intelligences qui étaient légèrement plus éclairées sur les chemins de l'homme. Ils se sont servis des religions pour établir ces barrières culpabilisatrices-là. En fait, ils nous ont créé des barrières, comme nous créons des barrières à nos enfants, les expliquer. Exactement. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, ces barrières-là vont être transmises éducationnellement, OK, de génération en génération pour arriver à être absolument incomprises par l'homme. Et l'homme les rend immuables, inchangeables, et puis peut les remettre maintenant qu'ils sont bien solides, il peut les remettre dans les mains de Dieu. Mais oui. Dieu n'a jamais créé de loi qui obligeait l'homme à souffrir. Puis, de toute façon, l'homme a créé ces lois-là. Il n'y a aucune énergie intelligente ou éclairée qui est venue donner à l'homme des lois dans ce genre-là. Par contre, je ne peux pas dire à l'homme, tu ne peux plus souffrir. Maintenant que c'est ancré dans l'esprit même de l'homme, dans l'astral même de l'homme. Comment s'en libérer de la souffrance, qu'elle soit à tout le niveau ou de la défaite? Non, ce qui arrive simplement, c'est que vu que l'homme a vécu des milliers d'années avec ces schémas-là de défaite, de souffrance, parce qu'il vient... La défaite est tellement importante dans l'éducation même de nos sociétés et puis de toutes les sociétés qui sont mortes présentement, que toute éducation est basée sur la... Comment je pourrais dire? Sur la... Pas la concurrence, mais... La compétitivité. Oui, exactement. Tu es toujours en compétition. Pourquoi? Pour éviter la défaite. Et puis, justement, la défaite amène souvent les punitions, les remontances. La culpabilité. Automatiquement, ça va avec. Pour essayer de te garder dans un schéma de gloire, de succès. Mais comme tout à l'heure, tu disais, si on passe d'une civilisation puis qu'on s'en va dans une autre civilisation qui est nettement meilleure, bien, automatiquement, la civilisation précédente, si on regarde ça à partir d'une psychologie humaine, elle est défaitiste. Elle n'était pas bonne. Elle arrive, elle a une défaite, puis on doit recommencer. Mais en réalité, elle n'a pas de défaite, on ne recommence pas. C'est elle-même qui est la base sur laquelle on va pouvoir construire la nouvelle civilisation. Mais la psychologie de l'homme voit continuellement ces événements-là comme étant des défaites. Parce que, quelle que soit la défaite que tu vas pouvoir vivre dans ta vie, cette défaite-là est une illusion. C'est-à-dire que c'est une déformation de la perception même que tu as de la réalité. Si tu perds... Oui, mais c'est cet aspect de la défaite. Oui. Que moi et certains jeunes dans la salle ont peut-être de la misère à saisir. Dire que la défaite, c'est une illusion. De dire que la défaite, moi, quand je suis déçu d'une chose, que j'ai dans une action Mais tu vis défaite, réellement cette chose-là. Je la vis. Donc, s'il faudrait peut-être éclairer au niveau de l'illusion, quelle est l'illusion dans la réalité? Où est l'illusion dans la réalité? Alors, c'est simple. C'est que toi, comme tout à l'heure, j'expliquais, c'est une perception fautive. On parle de la vérité. La vérité aussi peut t'amener à une défaite. Premièrement, toi, effectivement. Oui. Toi, tu pars. La vérité, vois-tu, c'est que la vérité porte le poids de toute l'ambiguïté des mots qui servent à définir la réalité. Alors, ce qui fait que les mots eux-mêmes étant une explication d'un phénomène réel, les mots sont déformateurs automatiquement. Même la vérité peut être polarisée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une vérité qui n'est pas bonne est un mensonge. Alors, la vérité est automatiquement polarisée. La réalité, non. Un fait réel. On est assis. On est ici. Ici, maintenant. Oui, ici. Oui. Un fait illusoire, présentement, c'est que tout à l'heure, on n'était pas là. Oui. Hier, tu étais dans ton auto. Bon, mais en réalité, présentement, ces phénomènes-là ne peuvent pas t'influencer. Il n'y a rien qui peut te perturber dans le fait que hier, tu étais dans ton auto, sauf si toi, tu permets à ce schéma mémoriel-là, à cette mémoire-là, de venir perturber ta prise de conscience de l'événement présent. D'accord. Mais comme l'homme pense du fait d'une mémoire... Oui. C'est ça? Vous êtes d'accord? Oui. Comment l'homme qui est assis ici ne peut pas se rappeler hier? Bon, l'important, c'est pas de ne pas se rappeler hier. On parle toujours, toi, tu vis une défaite. Qu'est-ce qui fait que tu vis ta défaite? C'est que, premièrement, tu te rappelles des choses qui ont enclenché ta démarche. Tu vas avoir une défaite par rapport au couple, une défaite par rapport à l'éducation de tes enfants, une défaite par rapport à la tapisserie que tu viens d'acheter, que tu as mis sur ton mur et qui ne fit pas pantoute. Bon, simplement, c'est qu'à l'origine de ça, à l'origine de ces déplacements-là, à l'origine de ces événements-là, toi, tu avais le désir d'avoir un beau mur, tu avais une vision de ce que devrait être ce mur, tu as acheté une tapisserie, tu viens la coller, et puis non, c'est pas ça pantoute, ou bien non, un croche. C'est pas une défaite, mais certaines personnes vont vivre ça comme une défaite importante. La personne, premièrement, se valorise toujours à partir des voisins, de l'extérieur, jamais à partir d'elle-même, très rarement à partir d'elle-même. Il va venir à un moment donné dans l'évolution de l'homme où l'homme va savoir ce qu'il est par rapport à lui-même, pas par rapport à une communauté extérieure. Ta défaite, toi, tu regardes ça. Automatiquement, de ta mémoire vient l'idée que tu avais de ton mur. C'est normal. Oui. Tu compares ce qui se passe présentement. C'est normal. Tu peux analyser ce qui se passe présentement puis te dire, bon, ben c'est pas correct, et on va recommencer. Tu regardes ton mur, là. Mais ici, toi, le schéma mémoriel, moi, je voulais ça comme ça, là, comparant ça à la réalité qui n'est pas ça, vient altérer, vient teinter, vient ternir ta possibilité de voir logiquement le phénomène. Bon, il faudrait que je recommence, c'est pas bon, exactement. Alors, si ça vient teinter ça, automatiquement, ben là, tu as une perception qui est fautive. C'est pas ça que je voulais, c'est laid à mort. Bon. Puis là, ta possibilité mentale, ta possibilité intellectuelle de pouvoir vivre un événement présent étant altéré, teinté, terni par le souvenir est bon. C'est normal que j'aie un souvenir que je puisse me dire, bon, c'est pas ça que je voulais. Parfait. Maintenant, je vais recommencer. C'est parfait. C'est mental. C'est correct. Ça peut pas, ça laisse pas de traces dans l'homme. L'homme se sent toujours aussi bien, aussi clair. De toute façon, l'homme va avoir à recommencer sa tapisserie ou à l'accepter. Mais si le schéma mémoriel de l'événement même que tu voulais le faire revient puis commence à embarquer par-dessus, c'est-à-dire que la collision entre la perception de la réalité et la ressurgissance de ta mémoire, si la collision est trop forte, la capacité mentale à l'intérieur de l'homme qui commence à se développer, qui est quand même déjà à s'avancer, mais qui n'est pas à sa force, qui n'est pas complète, bien, va être étouffée complètement par la friction, la collision qu'il va y avoir entre ces deux perceptions-là, une perception mémorielle et une perception réelle. D'où vient l'énergie, parce que c'est à partir du désir, à partir du schéma qu'on se crée, à partir de mon mur, je veux le voir d'une telle façon. Oui. Je pose ma tapisserie, la façon dont je le voyais, puis la façon qu'il est, ça ne me plaît pas. J'ai une défaite, j'ai une déception. D'accord? Oui. D'où vient l'énergie qui a créé le schéma du désir pour poser la tapisserie d'une telle façon? Bon, là, on sort quand même pas mal du cadre Non, parce de. que c'est le désir qui fait, d'après ce que vous dites, souffrir l'homme, réellement. Bon, si tu insistes, on va aller faire un tour à l'intérieur de l'énergie qui amène l'homme à désirer poser une tapisserie. Ou à faire autre chose, c'est un Oui, exemple. c'est évident. L'homme va par comparaison. Tout à l'heure, on parlait justement que ma perception mémorielle, c'est-à-dire ma mémoire même de ce que j'aurais voulu que ma tapisserie soit sur mon mur, revient. J'ai donc une perception mémorielle. C'est important. J'ai en même temps une perception, tout ça reste astral, j'ai aussi en même temps une perception réelle d'un fait, d'un événement, mon mur qui est tapissé ou mon auto qui est mal peinturé ou bon. J'ai une perception réelle, d'accord, qui est déjà un peu fautive dans le sens qu'elle est perçue puis elle est déjà sujette à interprétation à partir de mes connaissances, là. Mais parce que moi, je peux regarder mon mur quand je parle que ma perception, elle est réelle. Je regarde mon mur, il est croche. Ma perception peut être fautive dans le sens que mon mur, il est croche, puis c'est laid. En partant, tu viens d'interpréter, tu viens de le comparer à quelque chose que tu avais mémoriellement en tête, un mur parfait, selon toi, et puis mon mur, il est laid. C'est quelque chose de réel pour toi. Mais ce n'est pas une réalité. C'est déjà perturbé, c'est déjà déformé, c'est déjà interprété. Tu viens d'y rajouter un qualificatif qui, de par nature, n'existe pas dans le mur lui-même. Alors, ça peut être dangereux. Qu'est-ce qui m'a amené à un moment donné à vouloir mettre de la tapisserie? C'est parce que j'ai vu un mur qui n'avait pas de tapisserie. Un mur, j'ai appris que les tapisseries existaient. J'ai vu d'autres genres de murs, j'ai visité d'autres genres de maisons, j'ai bon. Alors, tous ces schémas mémoriels-là, qui sont toujours utiles à la condition qu'ils ne viennent pas ternir la possibilité qu'a l'homme de réfléchir mentalement, intelligemment. D'accord? C'est toujours utile, la mémoire. Ça peut être utile. L'ordinateur s'en sert utilement de sa mémoire. Mais la mémoire ne vient pas lui dire qu'il est fatigué de travailler. Là, ça commence à plus fonctionner. Mais nous autres, c'est ce qui nous arrive à un moment donné, parce qu'on a une mémoire qui est des milliards et des millions de fois plus complexe qu'une mémoire d'ordinateur. Parce que juste programmer un ordinateur pour qu'il puisse penser comme tu peux le faire, qu'il puisse tout réagir à ce que tu fais, ben, tu vas voir que ça t'a pris ta vie de programmer, toi. Ça va te prendre la même vie de programmer le même ordinateur. Si on change notre exemple Le mur. de mur, OK. j'ai pris l'exemple du mur pour comparer le schéma qui se créait vis-à-vis le mur. Oui. Maintenant, on est dans une situation politique mondiale D'accord. où existe le communisme international et le capitalisme. Oui. Ces deux visions qui affectent l'homme quotidiennement dans son vécu au niveau où ce qu'on vit. Alors, l'homme qui supposément doit voir les choses supposément réellement, Oui. comment voit-il la situation présentement sur la planète? Bon, mais je pense que c'est un. C'est un problème qui change de mur, d'accord, mais c'est le même problème encore. Oui, C'est un c'est problème de plus vision. facile, par exemple, d'accepter que moi je dise ton mur, il est pas laid, ton mur, il est croche. Puis c'est tout. Que de dire la situation internationale, ben je m'en fous, ça dérange absolument rien. Présentement, je suis ici, même si je m'en casserais la tête de la situation internationale, pour l'instant, je ne changerais pas grand-chose dans le monde. Non, d'accord, C'est mais plus facile d'accepter, je dis que le mur est croche. les idéologies qui sont véhiculées à travers les masses d'informations. Oui. La déception même, vois-tu, du gouvernement. OK? Si on parle toujours au niveau de déception. Tout l'homme, oui, la défaite. Tout l'homme, n'importe quel homme, n'importe quelle société, n'importe quel gouvernement en place, le gouvernement étant peuplé d'hommes qui vivent dans la même société que le gouvernement est supposé contrôler, puisque même les gouvernements se plaignent du gouvernement. Le gouvernement, il va dire, d'accord, c'est la faute du C'est peuple, tu ça. peux pas faire, mais le gouvernement lui-même n'est même pas adéquat pour ceux qui vivent même dans le gouvernement. Oui. Bon. Alors, ce qui arrive simplement, c'est que ces personnages-là vivent aussi un moment donné où ils vous entrevoient, où ils essayent de projeter une idée. Une idée qui est éducationnelle, une idée qui est mémorielle, une idée de ce que devrait être la société, de ce que devrait être le gouvernement ou de ce que l'individu même qui projette devrait être dans la société. Là, on approche du tyrannisme, on approche d'autres choses aussi. OK? Alors, cet individu-là ne peut pas s'imaginer, bon, il faudrait faire un bon gouvernement si, premièrement, il n'y a pas la connaissance qu'un gouvernement existe. S'il n'y a pas les mots pour pouvoir l'expliquer. S'il n'y a pas les idéologies pour pouvoir comparer. Parce que s'il dit qu'il faut faire un bon gouvernement, c'est qu'il, déjà en partant, il compare déjà le gouvernement qui est déjà là. L'idéologie ne déforme pas justement Tout le temps, parce que. l'individu. Tout le temps. Qu'est-ce qui bâtit une idée dans l'homme? Qu'est-ce qui bâtit une idéologie? Toi, tu viens au monde, tu grandis, tu apprends à parler, tu apprends ce qu'est le langage. À partir d'un certain âge, si tu as appris ce qu'était le langage, tu peux apprendre d'autres langues. Mais à dépasser un certain âge, si tu n'as pas appris à parler, tu n'apprendras jamais à parler. Tu as donc appris, tu as été construit par la société, par l'éducation des parents, bon, par le gros schéma d'éducation, pour pouvoir apprendre ce qu'était le langage, c'est-à-dire pour pouvoir le communiquer et pour pouvoir l'interpréter quand on te le communique. Tu apprends différents langages autres que le langage parlé, mais c'est un des plus importants. Tu apprends à lire aussi. Puis à un moment donné, il y a un âge, c'est plus facile. Mais si tu sais parler, tu peux toujours apprendre à lire. Tu apprends les définitions des mots. Tu apprends l'explication des formes transportées par les mots. C'est quoi un gouvernement? C'est quoi? Comment vivre? Il y a des choses que tu vis à un moment donné, puis moi, je vais, moi, je suis un parent, puis je vais te dire, sois pas triste. Lentement, tu vas associer ces mots-là à des phénomènes que tu vis. C'est dangereux parce que le phénomène que tu vis, si c'est pas exactement le phénomène que je vis quand je suis triste, lentement, je vais t'éduquer à appeler ça tristesse. Puis, plus tard, quand tu vas être triste à ta façon, ça peut être parce que tu as peur. Mais moi, j'ai décidé que c'était triste. Je t'ai éduqué. Quand tu veux aller rencontrer quelqu'un pour essayer de t'aider parce que tu es triste, la personne qui va vouloir te guérir pour la tristesse, bien, à un moment donné, ça peut risque d'être compliqué, ça risque d'être long. Alors, ce qui fait que si on parle de bon gouvernement, c'est la même chose. Moi, j'ai mes idées, mes concepts de mots. J'éduque mon enfant. La population complète est éduquée de cette façon-là, ce qui fait que chaque perception du mot est différente pour chaque individu. Parce que le mot ne désigne pas toujours ce que l'individu vit quand je le donne. Et toi, l'interprétation que tu peux en acquérir va aller avec toute l'émotion, tout ton schéma vivant sur le moment même. N'aie pas peur. Si tu n'as jamais entendu parler du mot peur parce que tu as juste 3 ans, le feeling que tu as, ce n'est pas le feeling de l'adulte qui dit n'aie pas peur. Lui, il a peur. Automatiquement, il pense que tu as peur. Puis toi, tu vas apprendre, tu vas avoir une définition que tu vas coller au mot peur, qui n'est pas nécessairement celle de l'adulte qui veut te le transmettre. Si tu vas avec tous les mots, et puis à un moment donné, tu prends un dictionnaire, tu regardes gouvernement, bon, groupement de personnes qui ont la fonction d'organiser ou de diriger une société, bon, fling, fling, fling, fling. Chaque mot de la définition va être interprété par ce que tu as vécu quand tu as appris la signification de ce mot-là. Ce qui fait que, veux pas, plus tu vas apprendre un langage, plus tu vas déformer ce langage-là pour l'adapter à toi-même, ce qui est normal. À ma réalité. Oui. Mais à travers ça, tu vas te faire des idées, tu vas te faire des concepts. L'amour, ils m'ont dit que c'était ça, mais l'amour, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que quand je t'ai dit que c'était l'amour, tu vivais quoi? Je sais pas. Mais à un moment donné, tu vas comparer la vibration auquel tu apposes le mot « amour » à celle de tes copains de classe. Et puis, tu vas te rendre compte que ça ne fait pas tout le temps, ce qui fait qu'à un moment donné, tu vas commencer à renier l'enseignement même de tes pères. C'est normal. Et puis, tu vas adapter ça à la masse sociale dans laquelle tu vis. Bon, mais là, il commence à y avoir des échelles au niveau de ce qu'on appelle les générations d'âge, qui fait qu'on a de la misère à communiquer d'une génération à l'autre, puis des fois, c'est juste de quelques années à l'autre. Et c'est quoi? Est-ce que c'est réel? C'est pas réel. C'est une idée. Lentement, si tu veux l'étendre au monde entier ou à un groupe, ça peut devenir une idéologie. Mais tout ça, c'est conceptuel. C'est-à-dire que c'est fabriqué à partir de mots, donc à partir de pensées localisées sur des mots. Et c'est bâti par l'association de tes interprétations du vocabulaire. Ça a été fait par l'interprétation de tous les mots qu'on a mis à disposition pour te permettre de réfléchir. Et puis tout ça fait que toi, tu dis, la paix dans le monde va se faire de telle manière. Puis tu en es convaincu, mais ça, c'est un concept, c'est une idée. Parce que tu ne l'as pas vécu encore, tu n'as pas pu le voir si c'était vrai. Alors si tu as ces idées-là, ces concepts-là, tu peux arriver à un moment donné, vouloir peinturer ton mur à partir d'idées conceptuel que tu as, de différents murs que tu as vus, de différents... la couleur rouge, tu as toujours appris qu'elle t'apportait telle chose, fait qu'à un moment donné, tu veux l'avoir. D'où vient l'énergie qui t'amène à désirer avoir un mur? Cette énergie-là vient simplement de toute ton éducation, vient du passé, vient de ta mémoire. Bon. On a pris le mur, on a passé au gouvernement. Oui. C'est la même chose T'as que le gouvernement. choisi le père, l'enfant, qui montre en fait des stéréotypes à Oui. son enfant. Derrière, on sait très bien que derrière les murs de la matière Oui. existent des intelligences. Ah oui. Et ces intelligences-là sont venues il y a quelques milliards d'années. On s'en fout. On s'en fout. Bon. Ils sont là. Donner le même phénomène du père à l'enfant, donner à l'homme certaines choses, certaines, peut-être certaines clés. Bon, ben les clés, premièrement, c'était la clé du langage qui était donnée à l'homme, la clé de l'écriture aussi qui était donnée à l'homme pour pouvoir communiquer plus intelligemment pendant plus de temps avec le minimum de déformation, une idéologie et un concept, toujours pas une C'est vérité, ça, une ils ont donné réalité. des concepts C'est qui normal. étaient structurés en rapport avec les mémoires de chaque peuple. Oui, si tu prends ton enfant qui veut traverser la rue puis qui a 3 ans, si tu essaies de lui faire comprendre qu'il peut se faire frapper par une auto quand il, dans sa tête, le vocabulaire automobile, ça n'existe même pas. Il n'y a même pas de mots pour définir, tu as de la misère à lui expliquer. Alors, dans ce temps-là, tu lui donnes certains concepts, qui est C'est une claque peut-être. ses fesses, puis là, il sait, lui, que quand il approche du trottoir, il approche d'une claque ses fesses. Alors, il ne va pas sur le bord du trottoir, il traverse pas la rue, puis tu le gardes en vie. Il comprend pas. Mais, à un moment donné, il faut que l'enfant comprenne. On est rendu un temps où ce que l'homme doit comprendre, justement. C'est peut-être à ce niveau-là où eux nous ont apporté le fameux concept de Dieu. Oui, c'est une C'est bonne le même protection. exemple. Oui, Dieu, encore là, c'est tellement compliqué quand on parle de mots qui ont été interprétés par des milliards d'individus, puis... L'interprétation était schématique à partir d'un résultat. Oui, l'homme a un père, l'homme a une mère, et l'homme a besoin d'un père, et l'homme a besoin d'une mère. C'est encore un fait présentement. D'ici peu, l'homme va être capable de se rendre compte de qui il est. Et l'homme va être capable aussi de se prendre en main d'une façon adulte. L'homme n'est pas encore adulte. L'homme nouveau s'en vient. Dépassera-t-il le mur du concept qui a été donné? Si je réponds, c'est peut-être un concept déjà. Mais vous qui faites partie d'une certaine conscience. Non, c'est évident que l'homme va dépasser le fait du concept parce que déjà l'homme peut comprendre c'est quoi un concept. Un concept, c'est simplement une amalgamation de mots. D'accord? Et qui vont former une idée. Et cette idée-là, toi, tu la calcules comme étant une chose vraie. Et comme tout à l'heure, je te disais, la vérité porte le poids de l'ambiguïté des mots qui ont servi pour définir une réalité. Alors, ce qui fait que la vérité même que toi, tu vas conceptualiser ne peut pas être une chose que tu peux appliquer à la réalité. Quelle que soit la philosophie, elle doit être déformée pour être appliquée à l'individu. Ce qui prouve que la philosophie même est une chose qui est malléable, déformable et non pas une chose réelle. Quelle que soit la religion, quel que soit l'enseignement, même au niveau des arts martiaux, tu dois l'adapter à l'individu même parce que l'individu, lui aussi, Est indivisible, est individuel. est individuel. Encore là, il faut s'entendre, tu as des individus qui sont collectifs, hein? On sait quelque chose au niveau des masses, mais l'individu est un schéma de déformation de réalité. Tu as peur. Peur de quoi? Peur de mourir. Mais oui, mes pauvres mecs, tu vas mourir. En naissant même, tu signais ton contrat pour mourir. Pourquoi avoir peur de mourir? Tu es défait parce que ton bateau est au fond de l'eau. Oui, mais ton bateau est au fond de l'eau quand même. Je le sais que pendant un certain temps, l'homme vit intensément ce phénomène de défaite ou de peur. Mais dans la réalité, quand je te dis que l'homme est un schéma de déformation de réalité, c'est un fait. L'homme va arriver à se débarrasser de l'impression de la défaite sur sa psychologie, sur lui-même, quand l'homme va être capable de voir la différence entre une perception mémorielle qui n'est pas une chose réelle dans le sens qu'elle peut réellement perturber l'événement dans la vie de l'homme. La perception mémorielle ne peut pas perturber l'événement, elle ne peut perturber que l'homme qui vit l'événement. Et c'est très différent. L'homme va se libérer de la défaite, de la peur, de différents autres freins puis carcans, quand l'homme va arriver à pouvoir à mettre l'importance qu'il doit mettre à sa perception mémorielle, perception astrale, quand il va lui mettre l'importance qui a la bonne valeur, et quand l'homme va être capable donc de mettre l'importance de la bonne valeur à une perception qui est réelle. Présentement, tout ce qui est surgi du passé, on l'accepte comme étant une réalité même qui peut perturber et contrôler notre vie. Et de ce fait, c'est un fait. Cette perception, ce ne serait pas un certain discernement entre ce qui peut nuire à l'homme et ce que l'homme vit réellement. C'est-à-dire que le discernement, c'est la même chose, c'est simplement un synonyme. C'est évident que le discernement entre ce que l'homme a vécu et ce que l'homme peut vivre, qui sont deux illusions, deux concepts, deux idéologies fictives, et le discernement entre la chose qui se passe présentement, la réalité même que l'homme vit, quand l'homme va arriver à discerner, justement à poser les bonnes, les justes valeurs à ces deux perceptions-là, l'homme va être libéré. Parce que moi, si je me rappelle continuellement une chose qui m'a fait énormément plaisir, je vais avoir de la misère à goûter quelque chose de neuf qui peut me faire plaisir, parce que continuellement, je le compare à quelque chose qui m'a déjà fait, selon moi, plus plaisir. Alors, je vais être encore déçu. Et lentement, ben c'est ça. Si, Connaître encore la défaite. ben c'est justement, lentement, si moi, je compare ta réussite à la mienne, je peux vivre à un moment donné un sentiment de défaite qui est absolument fictif, qui est comparatif. Mais la comparaison même, est-ce que toi tu es ça, moi je suis ça. Le printemps, les nouvelles branches qui poussent après les arbres, il y en a des petites, il y en a des longues. Les petites ont autant de feuilles, ils meurent pas parce qu'ils sont petites. Mais l'arbre n'a pas la conscience, l'arbre n'a pas une perception mémorielle. La conscience se libère-tu de la polarité? Vous apportez le mot conscience. Oui, mais la Vous polarité. parlez de comparaison. Est-ce que la conscience se libère de la polarité? C'est que le mot conscience est comme le mot intelligence. C'est un mot qui peut être amené à deux sauces. La conscience humaine, c'est une conscience qui est idéologique, qui est intellectuelle, la conscience humaine. Quand on parle de conscience, conscience qui est intelligente, on pourrait peut-être prendre des termes comme conscience supramentale. Cette conscience-là, ce n'est pas une conscience humaine, ce n'est pas une conscience stéréotypée qui est liée à la mémoire de l'homme. Alors, si je te dis, oui, je suis conscient que présentement je souffre, quelle valeur a le mot conscience? Est-ce que c'est une conscience humaine ou une conscience intelligente qui pourrait au minimum être mentale? Conscience émotive, ça existe dans l'homme. Une conscience émotive, c'est une conscience qui est fautive. C'est une conscience qui ne peut pas amener l'homme à contrôler comme il faut justement ces mécanismes de peur, de défaite, d'ennui, tous les mécanismes qui vont servir de frein. Si l'homme a une conscience émotive d'un événement, l'émotivité contrôle donc l'homme. Or, de ce fait, l'homme va pleurer, l'homme va être apeuré, l'homme va être déçu, l'homme va être jaloux. Pourquoi? Parce que l'homme a une conscience émotive. Ma femme m'a quitté, puis là, le bonhomme Tambo maudit, il y a une conscience émotive du fait. Oui, ma femme m'a quitté, c'est un fait, c'est une ci, c'est une ça, puis bon, c'est une conscience émotive. Si tu as une conscience mentale, ben, automatiquement, l'homme peut vivre des émotions quand même, mais ces émotions-là ne perturberont pas sa perception ou sa possibilité de réagir intelligemment à l'événement. Oh, ma femme est partie, j'ai faim. Bon, je me fais à cuire du ragoût. C'est intelligent. De toute façon, on va faire que l'homme mange. À un moment donné, il peut laisser libre cours à ses émotions, mais s'il veut prendre dans la maison, la personne va être capable de, les émotions vont disparaître, de pouvoir réagir intelligemment au phénomène. Si un jour tu Donc, face à un danger à réel, un événement, il n'y a jamais de danger, la perception. un événement qui pourrait atteindre directement sa matière physique, l'homme brise le lien avec sa mémoire émotionnelle et Si devient. l'homme, oui, l'homme rentre dans une conscience qui va être un peu plus mentale, une conscience intelligente. Tu es en train de travailler sur ton bâton, tu te coupes deux doigts. Tu regardes, tu pars à crier, tu pars à broyer. Il y a un tremblement de terre qui commence en même temps. Une personne qui a une conscience seulement émotive va mourir dans sa maison. Une personne qui a une conscience qui peut de temps en temps être travaillée, puis une conscience intelligente, une conscience mentale, intellectuelle qui peut prendre le dessus, la personne va être capable d'empêcher le sang de trop sortir ou va savoir d'instinct que ça va arrêter tout seul, puis elle va se démerder pour sortir de la bâtisse pour pouvoir survivre. Le degré d'évolution de la conscience intellectuelle, mentale et de la conscience émotive ou astrale va se déterminer une fois à l'extérieur et une fois le tremblement de terre fini par le degré de réaction que la personne va avoir à l'événement et à quelle importance elle va attacher aux deux événements. Lui manque deux doigts, elle n'a plus de maison. Si la personne a une conscience réellement intellectuelle, réellement mentale, la personne va penser à ranger ses doigts pour commencer, c'est le schéma qui est le plus important. Elle va après ça, bien, voir les secours qui peuvent lui être amenés, puis bon. Personne qui a une conscience émotive, là, on va dire, elle est proche de la dépression parce que la déception, la défaite et tout ça, là, c'est la peur de ce qui va arriver du lendemain, tout ça. La peur de quelque chose qui n'existe pas, ben, va prendre de dessus, elle a une conscience émotive. Si tu as une conscience encore plus forte que la conscience mentale, conscience-là qu'on commence à parler, la conscience intelligente, la conscience supramentale, donnée par un mental supérieur, on en reviendra à un autre moment donné. Si tu as cette conscience-là, bien évidemment, il y a bien des choses qui ne te sont même pas arrivées. Il y a des choses qui ne me seront pas arrivées. Oui, mais là, la question vient d'une personne d'une conscience émotive. Alors voilà, la réponse ne peut pas être interprétée par une conscience émotive. Comment faites-vous pour vous-même dire que vous avez une conscience émotive? C'est-à-dire vous situer dans un schéma de mental, dire moi, bon, je suis là. Ça, c'est. Non. Si la personne essaie elle-même de se situer, elle a déjà une conscience Si ce n'est pas elle qui émotive la qui est situe, qui la apeurée. situe? Répète ta question. Si c'est pas elle même qui se situe, qui peut la situer? Bon, ça n'a aucune importance encore. Il vient simplement à un moment donné où toi, tu es dans cette conscience-là. Et lentement, tu vas vivre à partir d'une conscience qui va être mentale. Et lentement, tu vas non pas prendre conscience de ta conscience mentale, mais prendre conscience de la conscience émotive qu'il peut y avoir de temps en temps à l'intérieur de toi ou dans les autres individus. Et si tu entends parler de ces consciences-là, ah, là, tu as maintenant un autre outil. Tu peux, en prenant conscience de la conscience émotive dans certains individus ou à l'intérieur de toi dans certains événements, découvrir où est placée ta conscience mentale. Et de là, tu peux faire le chemin de l'astral au mental. Un autre être peut-il amener l'homme, un autre être Oui. peut-il amener l'homme à vivre cette conscience? Il y a Ou des c'est événements l'homme dans qui la la vie. découvrira lui-même? Bon, mais si l'homme le découvre lui-même, c'est une question, ce qui est assez bizarre, parce que dans la question, la réponse se tient là. Si l'homme arrive lui-même à découvrir ça de par sa vie, ce sont donc des événements qui vont lui permettre de découvrir ça. C'est ça, oui. Je suis un événement. Mais je parlais pas de toi en particulier. Si dans On ton est tous des expérience, événements. N'importe, l'être est un événement. oui, mais l'être qui n'a pas conscience de l'événement en rapport avec sa conscience à lui, qu'est-ce qu'il Pour fait? découvrir l'état de conscience, il faut donc en premier que tu n'aies pas conscience. Oui, d'accord. C'est un Bon. peu ambigu, mais Non, j'essaie c'est de ça. saisir. Alors, si un événement amène l'individu à prendre conscience lui-même de l'état de conscience émotive ou astrale et de l'état de conscience Si mentale, moi je prends conscience, moi, oui. demain matin, je prends conscience de ma conscience émotive. Bon, c'est un événement, La première chose que je fais, tu cries. non. Non? J'essaie de la briser, cette conscience émotive. J'essaie de créer un autre mouvement. Je la Oui. vois, là, elle est là. Ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Bon, la Je me conscience tourne vers quoi? Je me émotive, tourne vers quoi? tu as raison, Vers c'est Dieu? bien que tu en Vers parles. la philosophie? Vers la spiritualité? Vers quoi? Merveilleux. La conscience émotive, quand tu vas en prendre conscience, la conscience émotive, c'est la conscience mémorielle, une conscience qui est attachée à l'astral dans lequel est incrustée la mémoire. À l'instant même où tu prends conscience de ta conscience émotive, ta conscience émotive le sait. Et la conscience émotive, malgré qu'elle n'est pas mentale ou intelligente dans le sens plus fort que mentale, ta conscience émotive a une certaine structure qui lui permet de fonctionner dans le sens de sa préservation. Donc, elle a une certaine forme d'instinct ou d'intelligence mineure qui lui permet de pouvoir contourner certaines choses, certains obstacles à son évolution même ou à sa vie même. Si toi, tu prends conscience de ta conscience émotive, c'est-à-dire que mentalement parlant, à un moment donné, tu vis cette conscience émotive-là, tu te rends compte que tu veux déménager parce que tu as vu une maison extrêmement belle, puis à un moment donné, tu te dis, crime, je suis malade. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. J'ai plein d'émotions, là, mais c'est absolument stupide, j'ai pas d'argent. Là, tu viens de faire. La conscience mentale commence à vient de parler, puis vient de dire que ça se fait pas. Puis là, sa conscience émotive qui parlait, ah, on va faire acheter ça va être beau, mais être bien. Bon, tu prends conscience. La conscience mentale vient de le prendre. Vient de savoir qu'il existait une conscience émotive. La conscience émotive vient de découvrir qu'elle était perçue et qu'il existait aussi une conscience mentale. Cette conscience émotive-là, de par son intelligence mineure, va essayer automatiquement de te ramener. C'est-à-dire qu'elle va créer, elle va susciter en toi le désir de l'annihiler. Mais ces désirs-là même, cette lutte-là même contre la conscience émotive est générée par la conscience émotive. Ce qui fait que tant que toi, tu es occupé fanatiquement même à vouloir détruire cette conscience émotive-là de pas avec une philosophie, une religion, une école, une technique, ben, tu es toujours dans la conscience émotive. Mais tu le sais pas. Non, c'est ça, effectivement, on le sait pas. Non. C'est là le problème de l'homme aussi, on le sait pas. Mais l'homme peut pas le savoir parce que l'homme est dans Pourquoi la conscience l'homme peut émotive. Pas le savoir? L'homme est dans la conscience émotive et à un moment de... Présentement, l'homme commence à le savoir, sauf que dans un événement même, l'homme... À travers quoi l'homme commence à savoir? À travers les gourous qui se promènent? Non, non. Certaines personnes vont être éveillées par certains gourous quand ils vont se rendre compte que ces gourous-là servent à rien, mais c'est pas ça. Là, ce qui arrive simplement, c'est que tu as des événements... La vie, c'est plein d'événements. La vie, c'est un événement. La vie, ben oui, bon. La vie, c'est des événements. Alors, automatiquement, l'homme est un événement. Et l'homme... L'homme fait partie de l'événement. Exactement. En corrélation avec la vie, l'homme va traverser certains processus d'apprentissage qu'on peut appeler événements, événements d'évolution, événements évolutifs. Et à travers ces choses-là, l'homme apprend par essai et erreur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'homme souffre. Mais à un moment donné, l'homme commence à souffrir de souffrir. C'est ce qu'on appelle, dans le langage spirituel ou ésotérique, évoluer vers une voie. Ce que tu nous demandes oui, là. Oui, exactement, c'est ben, ça. Ça prend le temps que ça prend, mais... L'évolution. Ça fait déjà des milliers d'années, là. Et à un moment donné, il faut qu'on aboutisse. Présentement, l'homme est en train de... Certains êtres, en tout cas, sont en train d'aboutir, et la majorité de l'humanité occidentale, en tout cas, s'approche quand même d'un pas assez rapide, d'un rythme assez sensible vers cette conscience-là. Quand tu arrives à l'étape où tu es, où tu souffres de souffrir, où tu t'ennuies de t'ennuyer, où tu penses penser, c'est important ces mots-là. Là, tu es en train de explique prendre les conscience. Mots, les mots, en fait, pense de penser, souffre bon, de souffrir. Bon, pense de penser, c'est simple. Quand je souffre, je sais que je souffre. Oui, mais tu peux finir par souffrir de souffrir. D'être tanné de souffrir. Eh oui. Et ça, ça peut te faire souffrir. Là, tu commences à découvrir la souffrance. Quand toi, tu es capable de savoir que tu penses, tu es capable de prendre conscience de tout le mécanisme là, de mots qui se promènent au niveau de ta tête, ben, automatiquement, la pensée prend conscience qu'elle pense. On approche la conscience mentale. Mais c'est encore la conscience émotive qui prend conscience que la pensée pense. Oui, mais tu es en train de perdre. Et puis, événement sur événement, d'année en année, veut pas, certains individus, c'est un schéma qui est enclenché, qui est irréversible, puis lentement, la conscience émotive perd du terrain sur la conscience mentale qui va se développer. De toute façon, il y a de plus en plus d'événements dans la vie de l'homme, surtout au Québec, qui permettent justement la prise de conscience de ces deux consciences, c'est original, de la conscience mentale et de la conscience émotive ou astrale. Dans les textes publics, votre conscience émotive, elle est représentée par l'âme. Elle est représentée nécessairement dans l'Apocalypse par l'Antéchrist, ce fameux oui. mouvement oui. qui fera un dernier effort pour ramener le monde à la conscience émotive, c'est-à-dire effectivement, à l'illusion. On pourrait-tu en glisser un mot? Oui. La conscience même, l'Apocalypse elle-même, c'est quelque chose, c'est une prophétie, c'est quelque chose qui peut être vrai, qui peut être faux, peut être à vivre, qui peut avoir été vécu. C'est une chose, une forme, lancée à travers un certain public pour susciter en lui un événement. L'événement, c'est pas nécessaire qu'elle soit réelle, étant donné que la conscience mémorielle, la conscience astrale elle-même, peut générer du passé des événements continuels au niveau de la conscience même de l'homme. Alors, ce qui fait que si on parle d'Apocalypse, on parle surtout de la conscience émotive qui reviendra dans un certain temps. L'Apocalypse, c'est quoi? Parce que si vous dites que l'homme commence à se libérer de cette conscience émotive, effectivement, d'après ce que je peux comprendre de ce que vous dites, cette conscience émotive ne se laissera pas faire. Non, elle car va réagir. Elle a une certaine intelligence. Elle va réagir. Mineur, oui. Oui. Qu'est-ce que suscite l'Apocalypse et toutes ces prophéties-là dans l'homme? La peur, la crainte. Et à l'opposé, l'espérance que ça n'arrivera pas, automatiquement. L'espérance d'un âge d'or, d'un âge du millénium, d'un âge de paix. L'homme qui veut prendre conscience parce qu'il a peur de mourir, il a peur de l'Apocalypse, est déjà ramené à la conscience émotive parce que l'homme réagit par suite de peur. Mais l'homme qui espère est aussi émotif que l'homme qui a peur. Évidemment, l'homme espère, l'homme crée déjà un futur comme sa tapisserie, puis à un moment donné, l'homme peut être déçu, puis il va être encore récupéré par la conscience émotive. Ces phénomènes-là sont émotifs, ont été amenés sur Terre par certaines consciences, ont été récupérés par la conscience émotive de la planète, et évidemment, on en arrive à ce que l'Apocalypse et toutes les prophéties se vendent bien parce que génèrent dans l'homme cet d'autres instinct, parcelles de conscience émotive. C'est ça, c'est cet instinct de peur. Mais ce que je voulais amener, puis ce qu'on va voir, parce qu'on t'avait allé à la pause, on va voir après la pause, ce que je voulais amener, c'est que vous dites que la conscience existe en tant que telle, être Oui. conscient, et que dans cette même conscience existe une conscience émotive et une conscience mentale. Oui. Puis après la pause, j'aimerais qu'on élabore là-dessus, si vous me le permettez bien. Aucun problème. Merci. OK, on va à la pause.